me pardonne mes silences, sur tout ce qui m'est arrivé. On m'a frappé d'insouvenance, ma mémoire on l'a lessivée. Oublier toutes circonstances de ce que j'ai pu traverser. On m'a lavé de mon enfance et j'ai dû tout imaginer. Ça finit comme ça commence, la bouche ouverte, les yeux fermés. De l'inconscience à l'inconscience, à bord d'un grand rêve éveillé. Suis perdu dans mon innocence, comme d'autres dans leur péché. Mais rien n'a vraiment d'importance, puisqu'à la fin on est commis. Qu'on me pardonne mes offenses, si l'on se prend pour l'offensé. Mais qu'on m'épargne les outrances des fous d'un Dieu humanisé. Ça finit comme ça commence, la bouche ouverte, les yeux fermés. De l'inconscience à l'inconscience, à bord d'un grand rêve éveillé. Certains apprécient mal la chance qui les a frappés d'être nés. Grand gaspillage d'existence, même la vie sait se tromper. On peut refuser l'ignorance qui nous empêche d'avancer. Sélectionner l'indépendance, choisir sa propre intégrité. Ça finit comme ça commence, la bouche ouverte, les yeux fermés. De l'inconscience à l'inconscience, à bord d'un grand rêve éveillé. Ceux qui voient partout l'indécence feraient bien de s'interroger. Sont-ils nés d'une déchéance ou d'humains qui se sont aimés? Tant pis pour ceux de la violence, à jamais sans sérénité. Prisonnier d'une incandescence, ils ont toujours tout gâché. Ça finit comme ça commence, la bouche ouverte, les yeux fermés. De l'inconscience à l'inconscience, à bord d'un grand rêve éveillé. Pardonne mes silences sur tout ce qui m'est arrivé. On m'a frappé d'insouvenance, ma mémoire on l'a lessivée.